erreur se dit error. Et saviez-vous que couleur se dit color, C-O-L-O-R? Vous ne remarquez pas quelque chose? Eh bien oui, les mots se terminant par E-U-R en français finissent par O-R en espagnol. Et une autre particularité, ils sont féminins en français mais masculins en espagnol. On dira donc un error, un color, el calor pour la chaleur, etc. Vous pouvez donc me dire maintenant, en enlevant le premier U de douleur et en remplaçant les lettres E-U-R par O-R, la douleur est tolérable maintenant. El dolor es tolerable ahora. El dolor es tolerable ahora. On a bien el dolor, au masculin. Vous n'avez pas dû avoir de problème avec tolérable, vu que l'on en a parlé tout à l'heure. Continuons. Dites-moi maintenant, il a une valeur sentimentale pour moi. Je vous laisse deviner sentimental. C'est très facile. Tiene un valor sentimental para mí. Tiene un valor sentimental para mí. J'espère que vous avez bien dit sentimental et non sentimental. Toutes les lettres se prononcent en espagnol. Un dernier exemple avec des mots en or. En utilisant poner, P-O-N-E-R pour mettre et mal, M-A-L pour mauvaise, dites-moi, les rumeurs me mettent de mauvaise humeur. Los rumores me ponen de mal humor. Los rumores me ponen de mal humor. Notez bien que l'on dit rumores. Le son U n'existe pas en espagnol. Il faut donc toujours prononcer la lettre U ou U.